22. Observation. Du, de la, de l, pas de, pas de. Elle fait du ski. Elle ne fait pas de ski. Elle fait de l'aviron. Elle ne fait pas d'aviron. Elle fait de la voile. Elle ne fait pas de voile. Elle fait de l'escalade. Elle ne fait pas d'escalade. Du, de, l'apostrophe, et de, la, correspondent à des expressions positives. Mais dans des expressions négatives, on trouve simplement de ou des apostrophes.